La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qui a inventé la guerre ? Un jour, les hommes inventèrent la guerre. Était-ce un lundi d'avril, au milieu d'une belle matinée ensoleillée ? Pourquoi pas ? Mais à quelle date ? De quelle manière ? Et comment les historiens peuvent-ils le savoir ? Toute enquête débute avec les traces du passé, celles qui sont écrites bien sûr quand elles existent, mais également avec toutes les archives laissées par l'homme au cours de son histoire. Se pencher sur l'invention de la guerre, c'est s'aventurer sur le territoire périlleux des origines. C'est également se risquer à analyser cette naissance de la guerre dans des sociétés orales disparues, accessibles uniquement grâce à des documents matériels, ceux de l'archéologie. Que nous disent ces documents ? Permettent-ils de savoir quand, où et comment sont apparues les premières guerres au sein de l'humanité ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Anne Le Hoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en proto-histoire européenne à Lille. Vous présidez le Conseil national de la recherche archéologique et vous venez de publier un livre qui répond à la question posée, Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, dont je viens de lire les premières lignes en guise d'introduction à cette conversation scientifique. Alors le sujet d'aujourd'hui est assez grave, plus grave que les sujets que la conversation scientifique traite d'habitude. Et pour commencer, je voulais avoir vos réactions à propos des nominations des prix Ig Nobel. C'est un peu avant les prix Nobel, c'est remis à Harvard, en l'occurrence ça a été remis le 13 septembre dernier. Ce sont des prix qui récompensent des travaux scientifiques à la loufoquerie plus ou moins bien assumée. Le premier prix a été remis à une équipe internationale d'anthropologues qui a démontré que dans les zoos, les chimpanzés imitent les humains à peu près autant que les humains imitent les chimpanzés, ce qui devrait finir par faire converger les attitudes des uns et des autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je ne connaissais pas cette étude. Pourquoi pas ? C'est effectivement la science ne peut se passer d'un certain humour, même si certains sujets se prêtent mieux que d'autres, évidemment, à pouvoir rire ou au contraire regretter un certain nombre d'attitudes humaines. Je vous en donne deux autres. Allez. Pas tous. Allez. Le Ig Nobel de médecine est allé à des chercheurs qui se sont demandé si l'on pouvait se débarrasser d'un calcul rénal en allant se faire secouer sur des montagnes russes. Et la réponse est oui. Ah, ça paraît moins douloureux que visiblement les traitements que certaines personnes doivent subir. Donc si ça marche, tant mieux. Et le prix Ig Nobel d'éducation médicale a honoré un Japonais qui a réussi à se faire une autocoloscopie. Ouf. Ce qui réclame sans doute d'être très souple ou d'être très bien équipé. C'est ça. Là, je vais demander un devoir de réserve sur le sujet. Alors, Anne Hoff, chacun se souvient de la première phrase de Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique. « Je hais les voyages et les explorateurs ». Oui. Est-ce votre cas ? Je ne m'exprimerai pas de la même manière, parce que d'abord, je n'appartiens pas à la même époque et je ne travaille pas dans la même perspective que Lévi-Strauss. Le voyage de l'archéologue, c'est un voyage qui peut parfois se passer de l'espace, en tout cas qui ne se présente pas de la même manière que l'espace de l'anthropologue qui part très loin en voyage sur d'autres continents. Le voyage de l'archéologue, il peut se faire d'une certaine manière sous ses pieds. Donc il envisage peut-être l'espace de manière différente. En revanche, il intègre la temporalité, parfois la temporalité très longue. Donc je pense que l'exploration fait partie finalement de l'enquête du scientifique et du chercheur. Donc j'aurais une attitude peut-être différente. Vous avez beaucoup voyagé pour mener cette enquête sur les origines de la guerre ? Oui, alors j'ai voyagé, mais essentiellement en Europe, ce qui fait déjà pas mal de kilomètres carrés, ce qui peut être parfois extrêmement dépaysant, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'un chercheur, un ethnologue pouvait avoir comme dépaysement dans les années 30, en passant de l'Europe telle qu'elle était à l'époque, à l'Amérique latine. Comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser à la guerre ? Comment est-ce que vous avez rencontré cette question de la guerre ? Alors je connais la réponse car vous l'exposez dans votre livre, mais je voudrais que nos auditeurs l'entendent de votre bouche. Vous dites que la guerre vous est tombée dessus. Oui, comment est-ce que ça tombe une guerre ? Ça tombe, alors en l'occurrence, en ce qui me concerne, ça n'a pas été particulièrement douloureux, ce serait une injustice de dire ça, mais en fait, au départ, d'une certaine manière, dans mes premières études, moi ce qui m'intéressait, c'était l'artisanat des alliages cuivreux. Essayer de comprendre finalement les gestes et les hommes qu'il y avait derrière les fabrications d'objets métalliques que l'on trouvait en contexte contexte archéologique. Et pour les alliages cuivreux, alors le cuivre, on a en Europe un développement à partir du 5e millénaire avant notre ère. Et pour les alliages cuivreux en tant que tels, on voit qu'il y a un développement fort à partir de l'extrême fin du 3e millénaire, début du 2e millénaire avant notre ère. Et puis je m'arrêtais, selon la fin de la proto-histoire qui est ma spécialité, mon domaine de spécialité, on va dire à la conquête romaine. Et je m'intéressais aux artisans et à leur production. Et puis, au cours de mes études, j'ai étudié différents objets. Et puis, au fil du temps, j'ai eu des armes à étudier. Des cuirasses, des casques, des épées, qui se sont révélées être des dizaines, des centaines, parfois des milliers sur certains objets. Et à un moment donné, j'ai fini par me poser la question, finalement, de la signification de ces objets et de me dire, il faut que je m'intéresse véritablement à leurs usages, à leurs fonctions, pas simplement à la technique. Et pourquoi et comment, finalement, les artisans arment le bras des hommes. Donc c'est pour ça que vous dites que vous êtes entré en guerre par les armes. Je suis entré en guerre par les armes. C'est une sorte de pléonasme, non? C'est une forme d'expression littéraire qui correspond finalement aussi à une réalité. Alors vous citez Lucien Febvre de l'École des Annales qui dit ceci, « L'histoire se fait avec des documents écrits, sans doute, quand il y en a, mais elle peut, elle doit se faire avec tout ce que l'ingéniosité de l'historien peut lui permettre d'utiliser, donc des mots, des signes, des paysages et des tuiles, des formes de champs et des mauvaises herbes, des éclipses de lune et des colliers d'attelage, des expertises de pierre et des analyses d'épées. » Oui, j'aime beaucoup ce passage, effectivement, parce qu'il est parlant, bien sûr, pour moi. C'est vrai que quand on est spécialiste des périodes pour lesquelles nous n'avons pas de traces écrites, nous devons faire avec ce que nous avons. Moi, mon matériel de départ, c'est de manière privilégiée ces objets métalliques. Donc je suis obligée de les regarder et en même temps je me sens pleinement historienne, c'est-à-dire que je dois les faire parler. Ils n'ont pas les mots que l'écrit apporte, que l'on a dans une charte, dans des actes de notaire, mais ils disent autre chose et ils participent à leur manière à cette écriture de l'histoire. Et donc évidemment il faut s'intéresser et l'historien se doit, me semble-t-il, comme l'École des Annales le proposait, c'était un beau projet et il faut le suivre, de pouvoir rassembler la documentation, les preuves, les traces, quelles qu'elles soient, et mener l'enquête avec. Dans le petit extrait de votre livre que j'ai cité, vous vous dites que vous affrontez la question des origines. En fait, je pense que c'est impossible de détecter les traces de la Première Guerre. C'est très difficile. Parce qu'on a tendance à confondre histoire et mémoire, c'est-à-dire n'a eu lieu que ce dont on a la trace. Tout à fait. Alors il y a la question de la trace et il y a la question d'une certaine manière aussi des certitudes entre guillemets qu'il peut y avoir autour des traces. Et moi en partant des épées, puisque le livre part d'une certaine manière des armes et dans cette catégorie d'objets, des épées plus particulièrement, je suis partie d'une certitude. Et ça c'était important parce que l'épée est le premier objet qui a été créé dont l'usage ne peut être que d'attaquer effectivement autrui pour le blesser ou pour le tuer. Et qui n'est pas utile pour la chasse. C'est pas utile pour la chasse, non. C'est pas utile. On va pas chasser avec une épée. Alors que dans les époques antérieures à l'âge du bronze, on a des flèches, on a des haches dont l'usage peut être double. Et donc on peut avoir des objets sous les yeux qui peuvent avoir servi évidemment à tuer et à combattre, mais en tout cas ça ne donne pas cette certitude absolue que là l'homme crée quelque chose dans un but extrêmement précis. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de continuité entre la chasse et la guerre? Alors, à partir du moment où on a des armes pour tuer les animaux, est-ce que par continuité on ne peut pas imaginer que ces armes vont évoluer pour tuer des hommes? C'est une proposition, mais ça n'intègre d'une certaine manière qu'une partie de la question. La question étant de savoir ce qu'est la guerre en tant que telle, ne pas confondre la guerre et la violence. La guerre intègre évidemment cette violence, mais elle ne se superpose pas complètement. Et savoir comment une société intègre et organise et légitime finalement le combat vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire que la violence est plutôt individuelle, c'est ça? Non, la violence elle peut être collective, mais en tout cas elle n'a pas ce côté organisé, normalisé, pour laquelle finalement tout un pan de la société dédie des moyens, des savoirs, une économie, éventuellement des catégories d'individus bien spécifiques. On est sur une dimension qui est différente. Mais est-ce qu'il y a une définition de la guerre? Il faut la distinguer de la violence, on vient de le faire. Il faut la distinguer de la razzia, du massacre, du génocide. Quelle est la définition de la guerre? Je pense que la définition de la guerre, c'est quand une société organise tout un pan de son activité et de ses moyens, justement, spécifiquement, à des combats, à les combattre pour des raisons qui peuvent être très variées, et avec des formes de guerre qui peuvent être également très variées. Mais est-ce que la définition du Petit Larousse vous convient ? La guerre est le recours à la force armée pour dénouer une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs collectivités organisées, clans, factions ou États. Alors oui, ça, c'est une définition qui rejoint assez bien. Je pense qu'il manque le mot de légitimité et d'organisation parce que aujourd'hui, d'une certaine manière, la guerre a intégré le vocabulaire. Peut-être que justement, quand on se penche sur la question des origines et des débuts, on est plus hésitant sur la définition, sur la terminologie, pour poser des certitudes par rapport à ces réalités. Et alors il y a deux thèses opposées, la thèse du progrès et la thèse de l'âge d'or. L'idée que l'homme était violent au départ et même sauvage et que la civilisation va permettre d'éradiquer cette violence ou de l'organiser ou de la contrôler. Et puis au contraire, la thèse, celle de Rousseau, que l'homme était un être à l'origine bon et sage et que la civilisation l'a corrompu. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent d'aller dans un sens ou dans l'autre ? J'ai observé, moi, qu'il y avait un siècle d'écart entre la publication du livre de Hobbes, Le Léviathan, en 1651, dans lequel il défend la thèse de l'homme est un loup pour l'homme, et l'État va permettre de l'éloigner de ses tendances originelles. Et puis le livre de Rousseau, 1755, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est difficile de trancher, je me permettrai pas, enfin c'est difficile de dire l'un a raison et l'autre a tort. Et en plus, je pense que selon les sociétés, selon les moments, on est sur des situations, tout est pas blanc et tout est pas noir, on n'est pas dans un monde totalement manichéen. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il est clair que il y a une violence qui fait partie, j'allais dire, des êtres humains et qu'on le retrouve d'ailleurs chez les animaux. On parlait des singes tout à l'heure qui imitent les hommes. Donc c'est réel. Après, ce que la société et les sociétés et l'État met en place, c'est la structuration de ces questions-là. En même temps, c'est pas systématique et on voit qu'il y a des sociétés qui, quand la pression démographique, par exemple, est pas très forte, ont moins recours à cette forme de règlement. Ou des sociétés, Pierre Clastre les note, gardent leur équilibre interne en ayant toujours, d'une certaine manière, des affrontements qui permettent de garder à même niveau, en quelque sorte, les groupes. Donc je pense que les solutions humaines, et c'est heureux, sont multiples. Je pense qu'on ne peut pas trancher en disant, au départ, l'homme a été comme ça, et puis d'un coup, il a basculé, ou inversement. Mais pour dire qu'il y a eu une guerre, il faut bien qu'il y ait une sorte d'État ou d'organisation sociale et politique. Organisation sociale, ça c'est... Alors, étatique, toute la question à ce moment-là est de revenir... Disons politique. Politique, voilà. Politique plus qu'étatique. Après, c'est une question de nombre aussi, de taille de la population. On associe l'État à des formes très particulières, et même la notion d'État a évolué au cours du temps. C'est très difficile d'aborder ces questions-là quand on est sur des sociétés qui datent d'il y a 3500 ans, sans aucun écrit pour nous accompagner dans cette analyse. Donc on travaille par déduction, c'est-à-dire qu'on a des preuves en archéologie qui vont permettre de faire des observations, de proposer des hypothèses. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'épée. On va dire là, on a un objet qui est un indicateur qui nous semble devoir être interprété comme un jalon clé dans l'armement. Après, on va se dire si cette épée peut être faite, ça veut dire que la société va organiser les circuits d'approvisionnement en matières premières, qu'il y a des gens qui contrôlent, on voit qu'il y a des objets qui sont exceptionnels, et par déduction, on en arrive à dire, oui, il y a derrière une société très organisée, hiérarchisée, avec des hommes qui dominent, un système politique qu'on a du mal à qualifier, parce qu'on n'a pas reçu en héritage les noms, mais qui correspond à une réalité. En 1968, Jean-Pierre Vernant écrit... Pour les Grecs de l'époque classique, la guerre est naturelle. Est-ce qu'il a raison ? Et qu'est-ce que veut dire naturel, en l'occurrence ? Je pense que c'est dans la question de l'analyse, c'est-à-dire que c'est un acte qui est intégré à la vie des hommes. Les hommes grandissent avec cette notion-là, ils s'entraînent. La guerre est pratiquée au cours de campagnes régulières, donc ça accompagne leur existence. Il ajoute, organisée en petite cité, également jalouse de leur indépendance, également soucieuse d'affirmer leur suprématie. Il voit dans la guerre l'expression normale de la rivalité qui préside au rapport entre États. Oui, mais je pense que le monde grec a été analysé sur ces questions-là de manière très pointue. En plus, Jean-Pierre Vernant, je pense qu'il avait un regard justement sur la guerre très particulier en raison de son histoire et personnelle, d'une certaine manière, et son vécu sur ces questions-là. C'est vrai que ça fait partie, en tout cas, d'une activité récurrente que l'on voit entre cités. Ce que je disais tout à l'heure aussi, la question des équilibres, la question de vouloir prendre possession ou en tout cas de dominer par rapport à d'autres, fait que régulièrement des guerres ont été menées. Alors, on dit que la musique adoucit les mœurs. Vous pensez que c'est vrai ? Ça peut, pas toujours. Alors, on va écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Alors, nous venons d'écouter le thème musical de Star Wars, qui semblait s'imposer en effet. Oui, alors j'ai choisi cette musique d'une part parce que ça ne ramène pas en arrière d'une certaine manière, on a parlé des origines, mais je voulais pas qu'on aille vers une musique qui serait la guerre du feu. Les archéologues vivent dans le temps présent et parfois même vers le futur, et puis c'est un thème d'une certaine manière musical que tout le monde connaît, qui est universel, qui raconte le conte dans l'absolu. Et au cours de ces différents films, qui ont été tournées et qui font que toutes les générations confondues d'aujourd'hui connaissent cette guerre du futur avec des personnages clés, avec le côté lumineux de la paix à laquelle on aspire d'un côté, le côté obscur de l'autre, j'allais dire des méchants pour certains rôles. Donc ça me semblait assez bien résumer finalement une sorte de synthèse autour de l'absolue guerre. D'où vient alors qu'on a parlé des sauvages du temps de Rousseau par exemple, à propos des Indiens? Est-ce que c'est parce que leur comportement apparent était belliqueux? Je pense que c'est pas simplement, ça va au-delà de la question belliqueuse. Je pense qu'on était dans la notion de l'étranger, du très différent, de l'incompréhensible vu de l'Europe. Et donc ça effrayait, d'où la terminologie de sauvage, qui incluait également une dimension, on va dire, de supériorité de l'Européen vis-à-vis de ses populations. On a parlé de la violence qui n'est pas la même chose que la guerre. La violence peut se déployer de façon plus individuelle, ou en tout cas elle n'a pas les mêmes règles et la même définition que la guerre elle-même. Est-ce qu'on peut dater les premières traces de violence? Vous parlez des os, des leçons d'os, comme vous le dites dans un chapitre. Oui, les paléolithiciens, on commence à regarder pendant très longtemps. Alors le paléolithique, c'est le quand? Le paléolithique, c'est... Alors, ça, c'est, je vous ai parlé de l'âge du bronze, je vous ai parlé du néolithique qu'il y avait avant. Le paléolithique, c'est tout ce temps très ancien. Alors, pour Homo sapiens, nous, en Europe, on est à moins 40 000 environ. On a remonté aujourd'hui Homo sapiens bien plus tôt, on est à peu près a priori du côté de 300 000 plutôt que de 200 000 avant notre ère. Donc ce sont des temps très très très anciens, hein, les premiers temps de l'humanité. Alors on n'a pas de traces de violence très très hautes, mais on a quand même durant ces époques des traces de violence sur les ossements, sur certains ossements. Alors on en a en Afrique, on en a un peu en Europe, on en a de manière un peu éparse parce que la documentation n'est pas très nombreuse non plus pour ces époques-là, en tout cas en regard de ce que l'on a ensuite. Et ce sont des indicateurs qu'on a longtemps négligés et sur lesquels on se penche aujourd'hui en se disant ben on a là la preuve qu'effectivement les hommes ont pu s'affronter. Moi la réserve que je peux avoir là-dessus, c'est que certes, il y a eu des attaques et des violences entre les hommes. Est-ce que cela est synonyme de guerre en tant que telle? C'est une autre affaire. Est-ce que ça peut se prouver? Non. Est-ce qu'il y a une preuve de la guerre? Alors, c'est pour ça que l'épée me paraissait d'une certaine manière une preuve. À partir du moment où vous créez un objet qui ne sert qu'à ça, ça veut dire qu'on est dans une réalité qui est d'une autre dimension. Et l'épée, c'est 1700 ans avant Jésus-Christ. On est entre 1700 et 1600 pour l'Europe. N'ai étudié que l'Europe. Et elle apparaît partout en même temps ou elle apparaît en un lieu précis et diffuse ensuite Elle apparaît à peu près partout en même temps. On a une métallurgie. Alors, je dis à peu près partout en même temps. C'est vrai qu'on est sur des chronologies, on n'est pas à un an près. En tout cas pas pour ces objets-là. Pour certaines documentations avec le bois et la datation par dendrochronologie, donc sur les cernes des bois, on peut avoir des datations à l'année près. Sur le métal, il n'y a pas de datation possible. Il n'y a pas de moyen de datation en laboratoire. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des épées à 50 ans, 100 ans d'écart. Donc on n'est pas sur des chronologies ultra fines. Mais globalement, on a un mouvement général d'adoption de l'épée partout en Europe, y compris dans des endroits qui n'ont pas de gisements miniers, d'où le fait que ça suppose que se mette en place toute une organisation à l'échelle européenne de logistique en quelque sorte, d'approvisionnement, de fabrication, de diffusion, d'utilisation. Et qu'est-ce qui se passe du point de vue des techniques pour qu'on devienne capable de faire des épées résistantes, efficaces, profilées, coupantes ? On invente une nouvelle recette de cuisine qui consiste à mettre de l'étain avec le cuivre. Ce qui va permettre d'avoir un objet qui est plus dur, plus résistant. Le cuivre non allié, on le trouve au néolithique. Dans un endroit, par exemple, comme la Bulgarie, au 5e millénaire avant notre ère, dans une nécropole comme celle de Varna, où il y a de nombreuses tombes avec des objets métalliques, des tombes très très riches. On a des haches, par exemple, en cuivre, aux côtés des défunts, aux côtés des inhumés. Mais le cuivre n'est pas allié. À partir des tout débuts du 2e millénaire avant notre ère, on voit sur des petites lames qui ensuite deviendront des épées, l'artisan ajoute. Donc on est dans des processus d'essai, d'innovation technique, on est un peu dans une cuisine, on va faire... De sérendipité. Voilà, des tests d'une certaine manière, et l'étain, Alors, dans des quantités que les artisans ensuite maîtrisent très très bien, hein, on a d'abord de l'arsenic, qui est essayé à la fin du troisième millénaire, puis de l'étain à part entière. On va avoir un matériau qui va être différent et qui va permettre la fabrication de nouveaux objets, dont l'épée, qui est une lame qui s'allonge et qui permet de résister malgré les coups qu'on lui fait porter. Alors, il y a une question que je vais vous poser, je sais que vous ne pourrez pas répondre, c'est une histoire de poule et d'œuf. Formidable. Il va falloir résoudre en l'absence de coq. Est-ce que c'est parce qu'on a des armes qu'on fait la guerre, ou est-ce que parce qu'on veut faire la guerre, on invente les armes ? Je pense que c'est une combinaison. Alors, je vais faire. Alors, je ne sais pas si c'est la poule et l'œuf ou la réponse à la normande, ce qui pour une bretonne est quand même un comble. Mais je pense que c'est une combinaison entre les deux. C'est-à-dire que l'artisan, il fait des essais, il fait des tests, il fait des ratés. Il y a des choses qui réussissent. Si derrière il n'y a aucune demande, il y a un moment donné où ça tourne d'une certaine manière à vide. Et la société ne peut être en attente que si l'artisan est en capacité de répondre. Donc je pense qu'on est dans un dialogue entre ce qui se passe dans un atelier et ce qui se passe dans la société. C'est ce qui me paraît d'ailleurs très intéressant, c'est de voir comment les liens se font entre ces différentes catégories d'individus au sein d'une société de manière large. Dans votre livre, on arrive à se convaincre qu'il y a eu des guerres pendant le néolithique. Or, l'image qu'on s'en fait est plutôt pacifique. Le cultivateur est au champ, l'éleveur est avec son troupeau, ça sent la carte postale. Comment imaginer que dans cette période qui remonte à 7500 ans, des guerres ont pu se produire et pour quelles raisons ? Alors les conflits au néolithique, on les aperçoit, on les mesure pas de la même manière, en tout cas pas de manière aussi claire qu'avec l'âge du bronze, le développement de la métallurgie, justement de toute cette panoplie finalement d'armes. Au néolithique, on a eu pendant longtemps une image un peu bucolique, un peu rousseauiste finalement, de ces paysans au champ. Sauf que le néolithique est une vraie révolution, un changement majeur dans l'histoire de l'humanité. Les agriculteurs au champ. Alors ça fait, on a calculé que ça faisait plus de travail au quotidien, mais ça permet aussi finalement de nourrir de plus de personnes. Ça permet une augmentation de la démographie, du nombre d'enfants par femme. Et donc ça crée petit à petit à la fois des territoires qui sont des territoires plus stables, plus pérennes que ceux des chasseurs-cueilleurs de l'époque précédente, du paléolithique. Et puis donc ça crée des gens qui sont sédentaires, plus nombreux. Et donc ça génère évidemment des raisons d'une certaine manière de trouver le champ du voisin plus attractif que le sien. Et donc de trouver là des sources potentielles de conflits. Alors à propos du néolithique, Maurice Godelier avait développé un modèle qu'on appelle égalitaire, oui, dont je cite la définition. Dans une société égalitaire, à l'exception des rapports entre les hommes et les femmes, aucun des groupes qui composent la société ne possède le droit d'exercer seul la violence sur les autres groupes. C'est cela l'égalité. Tout homme est armé, tout homme est à la fois guerrier, agriculteur, chasseur, etc. Un cultivateur n'est pas un paysan est un homme assujetti, un primitif est un homme libre de sa personne, qui est, entre autres choses, guerrier, chasseur, etc. Oui. Donc il n'y a pas de monopole de la violence dans les sociétés égalitaires, la violence n'est pas concentrée, elle est partagée. Et vous contestez ce modèle ? Alors, je ne le conteste pas en tant que tel. Ça correspond à des études qui ont été faites sur un certain nombre de sociétés. La question qui se pose et qui finalement différencie l'anthropologue dans son volet, on va dire, d'ethnologue et puis l'archéologue, c'est que l'ethnologue va aller vérifier d'une certaine manière. Il voit des hommes en mouvement, il voit des hommes en vie et donc il regarde des gens agir. Nous, en archéologie, on est sur un contact direct par la documentation archéologique qu'on a entre les mains, et en même temps, si on la fait pas parler, elle est muette, cette documentation. Et être capable de dire, on a ces catégories-là ou on ne les a pas, à travers les seuls objets, les traces des maisons, ou les traces dans les tombes, ou des catégories comme les haches, par exemple, c'est extrêmement difficile. Donc on a proposé, au cours de l'histoire de l'archéologie, différentes hypothèses et différents modèles explicatifs. Il y a eu un temps où on a pensé les sociétés néolithiques comme étant des sociétés égalitaires telles que le définit Maurice Godelier. On est aujourd'hui plus dans une réflexion qui intègre des sociétés inégalitaires au néolithique. Et ça, c'est un consensus, j'allais dire, général chez les spécialistes de cette époque du néolithique. C'est une interprétation de la documentation telle que le terrain, la fouille archéologique et les interprétations qui vont avec nous livrent. Donc on est en tout cas au jour d'aujourd'hui, en 2018, plutôt sur cette optique-là. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. On a parlé de l'épée, qui est la première arme de guerre au sens propre du terme. Est-ce que c'est vraiment la première arme de guerre? Est-ce qu'il n'y a pas eu des guerres avec des lances? Alors, ou avec des arcs et des flèches? On peut l'imaginer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je n'exclus pas, je ne suis pas en train de dire, ça n'a pas existé du tout avant. Je suis juste en train de, d'une certaine manière, prendre la documentation qui m'est à la plus familière et de la décliner en disant, là j'ai une certitude, je veux comprendre à quel modèle ça correspond. Et donc je suis partie de ça. Moi j'ai étudié des épées, j'ai étudié des cuirasses, j'ai étudié des casques et j'essaie de comprendre les sociétés en guerre qu'il y avait derrière. J'exclus pas, et d'ailleurs on a des lances métalliques, hein, on continue à avoir des pointes de flèche au bronze ancien, donc dans la première partie de l'âge du bronze, donc il y a des objets qui subsistent, et évidemment avec une hache vous pouvez tuer la personne qui est en face de vous avec des flèches également aussi, mais mon raisonnement n'a pas été celui-là, mon raisonnement a vraiment été celui de partir de certitude, de me dire voilà, l'âge du bronze ça se passe comment, qu'est-ce qu'on peut en dire. Est-ce qu'il y a un lien obligatoire entre l'idée de guerre et l'idée de champ de bataille? Il faut un lieu où se déroule quand même la bataille. Ça peut être une guérilla? Alors, la guérilla a un côté rapide, plus improvisé. La guerre devrait inclure... Un choc, et puis d'une certaine manière, là aussi, un choix, ou en tout cas une déclaration, ou un... Alors ça peut être une invasion, l'autre en face n'est pas préparé, mais on est quand même sur un affrontement qui dépasse l'action isolée. Et donc de ce point de vue-là, on est quand même plutôt lié à un lieu sur lequel ça doit se passer. Toute la difficulté aussi... pour ces époques très hautes, c'est la question de la temporalité. Comment mesurer le temps? Chez les Grecs, on a des récits. On connaît d'une certaine manière la saisonnalité des affrontements sur les champs de bataille, pour lesquels il y a eu pas mal d'études archéologiques qui ont apporté différentes informations que celles que les textes livrent. Pour l'âge du bronze, on est évidemment c'est plus compliqué parce que on a d'abord des traces qui sont relativement restreintes en termes de lieux pour les champs de bataille. On en a qu'un aujourd'hui et c'est une découverte récente au nord de Berlin en Allemagne et c'est en cours d'étude. Donc on n'a pas encore compté combien il y a d'individus. Enfin, les collègues sont en train de travailler sur. Quelles sont les traces qui restent? Alors on a des armes, on a quelques restes humains, on a comme si le champ de bataille qui a été laissé à l'abandon et qui a pas été sur lequel n'ont pas été récupérés certains mobiliers. Voilà. Donc là, on a quand même une espèce d'instantané de cette réalité-là. Et c'est quelle date, si on la connaît? Alors là, on est plutôt sur du bronze final, donc on est plutôt vers 1300-1200 avant notre ère. Donc on est après la diffusion, j'allais dire, et l'utilisation plus générale. C'est quand même très récent. C'est quand même très récent ou très ancien, ça dépend du point de vue. Non, mais on imagine qu'il y a eu des champs de bataille bien avant. Il y a eu des champs de bataille bien avant, ça c'est certain. Mais toute la difficulté, c'est que on continue à vivre dans les espaces qui ont été ceux de l'âge du bronze en Europe. On a construit d'autres villages, d'autres villes, on a continué à les occuper. Donc on a parfois éliminé complètement les traces, et a fortiori les traces sur les champs de bataille. Parfois le bâti garde des traces qui sont plus importantes que des lieux où, d'une certaine manière, les hommes se sont affrontés puis sont partis. Si on n'a pas construit des monuments et qu'on a simplement laissé les armes en place, ça peut avoir disparu de manière assez claire. Mais si vous découvrez un orf, un champ de bataille, enfin, il y a toutes les indications qui montrent que territoire, ce lieu, cet espace, a servi à une bataille. Oui. Est-ce que c'est la preuve d'une guerre? Est-ce qu'on peut prouver la guerre? Si ça prouvera la bataille. Maintenant, si la bataille, si ça correspond, peut être une bagarre. Si vous avez, ça peut être une grande, une giga bagarre. On donne rendez-vous au clan adverse. Je pense que c'est une question aussi de nature de documentation, peut-être aussi de quantité et de répétition. C'est-à-dire que on voit ça aussi dans les rituels funéraires. C'est-à-dire que si vous avez une seule tombe, vous pouvez pas dire, voilà, à telle époque, les rituels funéraires, c'était comme ça. Si vous commencez à avoir une nécropole avec une répétition, puis deux nécropoles, vous pouvez commencer à vous dire, tiens, il y a quand même quelque chose qui revient de manière récurrente, et donc ça doit avoir un sens, et à partir de ces données, je dois pouvoir arriver à une conclusion d'une réalité importante, qui n'est pas juste un épisode, qui n'est pas juste un événement isolé. Donc les épées, même aujourd'hui, si elles ne sont pas sur des champs de bataille tels qu'on les connaît, en tout cas pas quantitativement, sont quand même des indicateurs par ce qu'elles signifient de cette réalité guerrière. Puisqu'on les a, en tout cas ça on les a alors dans des trouvailles isolées, mais on les a aussi dans un autre ensemble archéologique tout à fait caractéristique pardon, de cette époque de l'âge du bronze qu'on n'a pas encore évoqué, que sont les dépôts métalliques, qui sont très fréquents, qui sont un mode d'abandon et de dépôt des armes. On va rassembler des objets qui sont entiers ou cassés, qu'on va volontairement fragmenter et qu'on va déposer dans la terre. Alors ça, pour les contemporains, pour nous aujourd'hui, c'est très compliqué parce que le métal est un matériau recyclable. Donc on pourrait s'imaginer que, vu que c'est une économie, ce sont des objets rares, on va les recycler, on va les refondre. Et visiblement, ces populations ont choisi d'exclure de nombreux objets, en particulier des armes, pour les déposer en terre. Donc ça devait avoir un sens, y compris par rapport aux événements guerriers eux-mêmes. Mais est-ce qu'il y a des traces connues de lieux où se seraient produits, par exemple, des massacres, qui ne seraient pas des champs de bataille, qui seraient antérieurs aux champs de bataille que vous avez évoqués tout à l'heure? Alors, oui, on a des fosses en particulier, ou des silos, c'est-à-dire que liés, alors là, pour le coup, aux habitats, au monde agricole, y compris au néolithique, dans la période qui précède l'âge du bronze, on a effectivement des défunts qui, en Alsace par exemple, dans les fouilles récentes, on a trouvé des individus qui ont reçu des coups avec un acharnement pratiquement sur les ossements, qui montre que ces gens-là n'étaient pas particulièrement pacifiques et se sont effectivement acharnés sur des groupes d'individus qu'ils ont ensuite jetés. Donc oui, on a des traces de massacres, mais voilà, à l'échelle des milliers de kilomètres carrés et des centaines d'années de l'Europe, de cette histoire, ça demanderait un peu plus parfois de documentation. Dans votre livre, Anne-Lof, vous citez André Leroy-Gourhan qui dit « Il faut découdre le manteau d'Arlequin ». Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire... André Leroy-Gourhan est un préhistorien et ethnologue qui a beaucoup travaillé sur un concept intéressant qui nous sert encore aujourd'hui, qui est la chaîne opératoire. Et donc, c'est l'image, d'une certaine manière, que le manteau est le produit final de quelque chose, d'une fabrication, et que pour comprendre, finalement, le résultat auquel on arrive, eh bien, il faut se pencher, il faut défaire les coutures, il faut regarder à l'intérieur pour voir retrouver tous les processus qui ont permis cette fabrication, puisque la fabrication est un acte qui se fait dans le mouvement, dans l'action, et que l'archéologue, au mieux, si ça a subsisté, lui reçoit le vêtement fini. Donc pour le comprendre et comprendre tout ce qu'il peut y avoir derrière, il faut revenir à la pièce initiale et essayer de l'inspecter, de le défaire, de le découdre. Alors, s'agissant de la guerre, on ne peut pas esquiver la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre? Alors, si je me réfère à Hobbes, l'auteur du Léviathan, il donne trois raisons. On trouve dans la nature humaine, dit-il, trois causes principales de conflit. Premièrement, la compétition. Deuxièmement, la défiance. Troisièmement, la gloire. La première pousse les hommes à attaquer pour le profit. La deuxième, pour la sécurité. La troisième, pour la réputation. Oui, je crois que ça recouvre des catégories principales. Alors après, on peut sans doute affiner et décliner en fonction de réalités plus un petit peu différentes, ou en tout cas plus la religion, par exemple, si on est sur des idées, sur des croyances, mais ça peut rentrer dans des catégories qu'il développe. Et je pense que pour les périodes les plus anciennes, conquérir des territoires, conquérir des personnes, assurer sa gloire et sa puissance restent des réalités qui peuvent effectivement être des raisons de guerre. Est-ce qu'on a le droit de dire, comme Hobbes le suggère, que l'homme est naturellement violent? Ou est-ce qu'il est rendu violent par le contact avec les autres, par des effets de démographie, par exemple? Alors, les effets de démographie, oui, la pression démographique incite, si vous manquez si de place... Si on est peu nombreux, il n'y a si pas de raison de faire la guerre, si? Il peut ne pas y avoir de raison de faire la guerre, sauf que si c'est pour montrer que vous êtes malgré tout le plus fort, même si l'autre est éloigné, on peut imaginer une raison de guerre. Donc les sociétés ont trouvé des solutions ou des réponses à ces questions différentes, mais on peut arriver à avoir, y compris sur des démographies moins fortes, des raisons de guerre. Enfin, il y a une question que vous abordez également dans votre livre, Anne-Lorf. Est-ce que la guerre est une affaire d'hommes? Alors c'est une question importante. Aujourd'hui, elle ne l'est plus, ça c'est certain. À l'âge du bronze, pour ce qui est de l'Europe, pour la documentation que l'on connaît aujourd'hui, celle que moi j'ai vue, les informations qui vont avec, c'est effectivement une affaire d'homme. Nous n'avons aucun témoignage pour ces époques en Eurasie qui indiquerait que les femmes ont participé à ces conflits. Et on est même plutôt dans des hypothèses qui consistent à voir, d'une certaine manière, l'affirmation de la figure masculine en parallèle à l'affirmation de la guerre à l'âge du bronze, de hiérarchie renforcée, de la naissance d'un monde politique. Tout ça va de pair, que ça nous plaise ou pas. Mais est-ce que les raisons de faire la guerre pour revenir à elles sont des choses dont vous pensez qu'elles seront accessibles un jour ? Les traces que vous pouvez trouver ne seront jamais indicatrices des raisons pour lesquelles les gens se sont battus. Il faut des témoignages écrits, Il faut des témoignages écrits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans un travail par déduction. En même temps, le chercheur, il est bien obligé de faire avec ses incertitudes et les lacunes ou les excès documentaires dont il peut avoir trace. Ça fait partie, et y compris lorsque l'on a des écrits, des remises en question, de propositions ou d'hypothèses, ça fait aussi partie du monde de la recherche. Y compris avec une documentation qui paraît entre guillemets plus certaine ou plus sûre. Donc, je pense que ça va avec l'idée même de faire de la recherche archéologique. Si on n'est pas prêt à accepter cette incertitude, cet inconfort de départ, parce que finalement il y a un inconfort dans le fait de ne pas pouvoir aller aussi loin que l'on voudrait parfois, il ne faut pas commencer. Moi je suis plutôt partisane de dire faut prendre le risque, faut oser, faut regarder la documentation dans tout ce qu'elle peut indiquer, faut s'ouvrir l'esprit en regardant ailleurs pour voir si ça donne des indications. Il faut lire des travaux d'historiens, des travaux d'anthropologues, et puis oser, quitte à se tromper, parce que ça fait partie aussi finalement de la recherche. Parce que les physiciens, quand ils s'intéressent à l'origine de l'univers, butent sur ce qu'ils appellent le mur de Planck. Et en amont de ce mur, les théories physiques actuelles peinent à rendre compte de ce qui a pu se passer, mais chez vous, il y a beaucoup de murs de Planck. C'est inégal, et en même temps, il y en a beaucoup et il y en a qui tombent. C'est-à-dire que la recherche archéologique, l'archéologie, on va dire moderne, est née il y a maintenant pratiquement 200 ans. En même temps, la recherche archéologique a considérablement évolué depuis un demi-siècle, avec des méthodes totalement différentes. En 1950, la révolution du radiocarbone a été vraiment un marqueur très fort en archéologie. Pour la datation. Pour les datations. On a pu dater des matériaux organiques qui jusque-là échappaient à toute forme de datation, d'où le fait que les ossements, par exemple, sont devenus des indicateurs et des traces extrêmement intéressantes. Et on ne cesse depuis d'affiner des méthodes, de progresser sur ces terrains-là. Et donc, oui, il y a des murs, mais il y en a qui tombent. Et donc, si l'archéologue veut regarder de manière optimiste, il peut se dire que demain, il y aura peut-être d'autres possibilités. Son devoir, c'est de faire professionnellement ce qu'il a à faire aujourd'hui et d'oser, en se disant que peut-être demain, il fera encore plus et encore mieux. Mais de quoi rêvez-vous ? De quel type de découverte rêvez-vous, au sens où elle apporterait une réponse, un élément de réponse à une question qui vous taraude vraiment? Quelle est la question qui vous taraude vraiment? Alors, moi, ce que je voudrais arriver à trouver, c'est pas tant, finalement, parce que comme la guerre m'est tombée dessus, le champ de bataille, oui, ce serait forcément très intéressant, mais je suis pas sûre que ce serait en tout cas ce qui me ferait, moi, rêver le plus. Non, je voudrais trouver un atelier de bronzier avec tout un ensemble d'objets en cours de fabrication, les différents fours, les outils. Non, pas forcément. Est-ce que vous savez dire si ces activités spécialisées, c'est-à-dire celui qui fait des épées ne fait que des épées, ou est-ce qu'il fait d'autres instruments en bronze ? Alors, l'artisan, il peut faire autre chose. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, on a des objets qui demandent des niveaux de technicité et de savoir-faire qui peuvent être très variables d'un objet à l'autre. Quand on a parlé beaucoup des épées, mais quand on a une cuirasse, par exemple, défensive, les cuirasses apparaissent en Europe vers le XIIIe siècle avant notre ère, on a là des objets exceptionnels parce qu'il faut allier des compétences à la fois de fondeur, de de martelage. Donc on a une chaîne opératoire, pour reprendre le terme de Laura Gourhan, extrêmement complexe. Donc là, on est sur des réalités importantes. Donc oui, avoir un atelier avec tout en place, ce serait le rêve. Sauf que les ateliers, parce que ces artisans sont compétents, sont des endroits bien gérés. Et donc le bronzier recycle sa matière première, range ses outils, et donc on les a pas. Alors que ça pourrait être, cet instantané-là, un Pompéi où j'aurais effectivement un atelier. Ce serait formidable. Alors, est-ce que ça vous dirait d'écouter l'adagio de Samuel Barber ? Alors ça va nous, tout de suite nous rendre tout tristes tous, mais faisons ça. Allons-y. Anne-Laure, pourquoi ce choix triste ? Oui, c'est un choix triste parce que je pense que c'est une musique qui a donc été jouée dès le 15 septembre 2001 à Londres de ce musicien Samuel Barber, donc musicien américain, dont l'Adagio est le morceau le plus connu. Il correspond, je crois, en termes de guerre, de réalité guerrière, à l'avènement d'un monde nouveau, où nous sommes d'ailleurs toujours, et qui porte en lui, et c'est vrai que c'est un morceau terriblement triste, mais qui porte autant de négatifs dans la perte d'un monde et dans la perte d'illusions qu'avait été positif, si j'ose dire, le jeu de Rostropovitch en novembre 1989 au pied du mur de Berlin, qui était un espoir de paix. Et je pense que l'Adagio, joué d'abord à Londres et puis repris d'une certaine manière comme musique symbole, clôt cette réalité, ouvre vers quelque chose de très noir et est assez désespérant, parce que les hommes de la fin du XXe siècle ont cru que les horreurs du siècle qu'ils venaient de passer étaient terminées et devaient admettre qu'il n'en était rien. Alors Anne-Laure, si j'essaie de résumer ce que nous avons discuté aujourd'hui, j'ai bien compris que la guerre, ça n'est pas la même chose que simplement la violence. Il faut une organisation, oui. Il faut un acte presque politique et une organisation qui va avec. J'ai compris aussi que les premières preuves de l'existence de la guerre sont l'apparition de l'épée, 1600, 1700 ans avant Jésus-Christ, en Europe. En Europe. Et ma question est, qu'est-ce que disent vos collègues qui s'intéressent à d'autres continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud, est-ce qu'il y a des traces plus anciennes de guerre dans le passé, ou est-ce que ils tombent sur les mêmes butées que vous, c'est-à-dire le fait qu'on a étudié des périodes pour lesquelles il n'y a pas de traces? Alors, c'est très variable selon les continents et selon les cultures et les choix humains. On est, de toute façon, plus on remonte le temps, plus on a cette difficulté, dès lors qu'on n'a pas d'écrit, à avoir des traces tangibles et des preuves tangibles. En même temps, c'est vrai que ce serait intéressant aujourd'hui d'essayer de confronter les travaux des différents collègues dans des régions qui ne sont pas du tout celles de l'Europe. Je pense à l'Asie, par exemple, au Japon, à la Chine, où on a une métallurgie très brillante très tôt, de voir comment les conflits ou la guerre en tant que telle a été intégrée. Les collègues se sont intéressés à de grandes périodes dans ces régions, mais c'est vrai qu'il faudrait, je pense, développer en tout cas des confrontations pour voir si ce à quoi nous arrivons aujourd'hui comme conclusion, comme proposition, rejoint ce qu'ils ont, eux, de leur côté. Mais est-ce que par exemple en Afrique ou en Asie on a trouvé des armes plus anciennes que l'épée européenne? Alors l'Afrique a un modèle de développement sur la métallurgie qui est différent de celui que l'on a en Europe, parce que la métallurgie du fer se développe alors que la métallurgie du bronze n'est pas développée, alors que nous avons d'abord la métallurgie du bronze avant la métallurgie du fer. Donc on a des réponses concrètes et techniques qui ne sont pas du tout les mêmes, et ça n'implique pas du tout la même chose, parce que la métallurgie du fer et le minerai de fer ne répond pas aux mêmes exigences que ce que je rappelais tout à l'heure, à savoir que le cuivre ne se trouve pas partout et que l'étain qu'on allie avec le cuivre se trouve encore moins présent dans le sous-sol. La métallurgie du fer correspond à une mise en œuvre, une fabrication différente, mais avec un matériau qui est plus abondant. Donc forcément, pour la prise en charge de la société, c'est un petit peu différent. Rapport à ces questions-là. Dans le livre, vous dites que cette question de la guerre, son apparition, son invention, a peu intéressé finalement les préhistoriens. Est-ce que vous savez pourquoi ? Alors, je pense que c'est une question de contexte, une question de thématique, c'est-à-dire que au XIXe siècle, on s'est emparé, on va dire, on a découvert la préhistoire. Hein. C'est vraiment une découverte du XIXe siècle, du développement de l'histoire de l'archéologie, avec des chercheurs comme Jacques Boucher de Perthes. Donc on est dans les années 1840, 1850, où on découvre ces temps très très très très anciens, ce qui est évidemment très très perturbant. Et on regarde la documentation et on essaie de raconter des histoires autour de cette documentation. Et finalement, les histoires les plus extraordinaires, ce ne sont pas au départ les archéologues qui les ont racontées, mais ce sont des peintres. Ce sont des littéraires, donc je pense à la guerre du feu de Rosny qui a eu un succès absolument incroyable. Et les archéologues n'ont pas osé, d'une certaine manière, franchir l'écart qu'il y a entre la documentation muette, dont je parlais tout à l'heure, et véritablement une mise en récit, parce qu'il n'y avait pas de mots, et que en plus il manquait d'un certain nombre de données, et leur professionnalisme, d'une certaine manière, les a réfrénés. Ils se sont auto-censurés parfois sur ces questions-là. Et puis, le XXe siècle est arrivé avec les conflits contemporains, et je pense que quand on a eu, d'une certaine manière, les moyens et le renouvellement de réalité autour de l'archéologie, de ces nouvelles méthodes, on avait d'abord beaucoup de thématiques possibles. Et puis on y avait une envie générale, je crois, que l'on retrouve d'ailleurs chez les historiens de périodes plus récentes, d'une espèce de refus de guerre. C'est-à-dire que dans les thématiques elles-mêmes, la question de la guerre, on n'avait pas forcément envie que ce soit un sujet récurrent et un sujet omniprésent. Donc les archéologues se sont intéressés à l'habitat, ils se sont intéressés aux rituels funéraires, ils se sont intéressés à des tas de sujets très nombreux. Et ils n'ont fini par s'emparer de la guerre quand c'est devenu une réalité forte. Les premières publications en langue française sur le sujet, c'est 2001, justement. Il y a aussi il y a eu en 1991 la découverte de cet homme assassiné il y a 5300 ans, dans les Alpes, entre l'Autriche et l'Italie, dans un glacier, je crois. Oui, il y a eu une grosse guerre pour savoir à qui appartenait. Quelle était sa nationalité rétrospective? Et alors, est-ce que ça a créé un choc? Il a été tué par une flèche, je crois. Oui, il a été. Alors, ça a été un choc surtout de trouver une momie aussi bien conservée et de pouvoir avoir pour la première fois autant de moyens d'investigation, c'est-à-dire y compris les moyens du FBI quand même. Donc, on est vraiment dans un monde tout à fait nouveau, avec la possibilité de connaître son dernier menu, de comprendre les tatouages qu'il avait sur la peau. Enfin, on a fait une vraie investigation d'un nouveau genre, d'une certaine manière. Donc la violence, parce qu'il était mort de mort violente, a été un sujet, mais pas seulement. C'est-à-dire que Ötzi a été un choc général, plus global, sur les possibles, grâce aux méthodes nouvelles de l'archéologie. De ce point de vue-là, on a même pu décortiquer ce qu'il avait mangé. C'est-à-dire que le contenu de son estomac, les fleurs qui l'accompagnent, on en a trouvé parfois, et en particulier justement dans les Alpes, des habitats du néolithique et de l'âge du bronze qu'on a découvert au XIXe siècle, qu'on a appelé les palafites ou les lacustres, étaient, parce que c'était dans des milieux humides, très bien conservé. Donc on avait des bateaux, on avait des planchers, on avait des maisons, on avait de la vaisselle en rotin, enfin, on avait des choses incroyables, c'est-à-dire qu'on voyait véritablement le milieu dans lequel les hommes vivaient. Mais on avait des méthodes qui restaient d'investigation, on va dire scientifique, qui restaient limitées. Ötzi a été un catalyseur de la rencontre entre une documentation, d'une certaine manière, lui, bien conservé, même si les circonstances sont un peu particulières, et puis des méthodes nouvelles, et puis quand même il y a la légende autour de Ötzi, c'est-à-dire que le découvreur est mort, l'archéologue qui a fait les premières études est mort, donc on avait la légende Carter version européenne de la fin du néolithique, c'était formidable, c'est-à-dire qu'on avait à nouveau un héros qui pouvait servir à entretenir le mystère autour de l'archéologie, parce qu'il faut quand même bien dire que ça fait partie aussi de l'aura de l'archéologie, ce mystère. Merci Anne Lorf d'être venue nous éclairer, même s'il reste des zones d'ombre, sur l'origine de la guerre et son invention quelque part par l'homme. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Cédric Châtelus et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Honodibio pour le temps des écrivains.